regard s'est posé sur moi. Tes mots d'amour ravivent ma foi. Je ne suis plus la même, tu es à mes côtés. Je grandis chaque jour dans la foi, à l'ombre de tes ailes, roi des rois. Mes mains vers le ciel, je viens te glorifier. Ton doux regard s'est posé sur moi, tes mots d'amour ravivent ma foi. Je ne suis plus la même, tu es à mes côtés. Je grandis chaque jour dans la foi, à l'ombre de tes ailes, roi des rois. Mes mains vers le ciel, je viens te glorifier. Établis-toi dans ma vie, règne en moi, Seigneur. Viens dominer ma vie, Sauveur. O teu olhar cai sobre mim, tuas palavras de amor me dão vida. Já não sou o mesmo, ao meu lado estás. Vou crescendo todos os dias na fé, sob tua proteção, Rei dos Reis. Erguendo as mãos para o céu, venho te glorificar. Yeah! Je suis le produit de la croix, Seigneur, agis en moi. Manifeste ta présence, établis-toi. Je te dois allégeance, Seigneur, agis en moi. Manifeste ta puissance, Seigneur, Sauveur. Palavras de amor me dão vida. Já não sou o mesmo, meu lado estás. Vou crescendo todos os dias da fé, sob tua proteção, Rei dos Reis. Erguendo as mãos para o céu, venho te glorificar. E tu habituado uma vida. Venha em moi, Seigneur, Seigneur. Viens dominer ma vie, ma vie. Sauveur. Établis-toi dans ma vie. Venha en moi, Seigneur. Viens dominer ma vie, Sauveur. Minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus, meu amigo, meu coração. Obrigado, Senhor.